Racontez-moi tout ça qui est dans le cœur. Et les livres, l'angélis, et combien qu'on fait, c'est de 10 ou 7 coups. Et les livres, l'angélis, et combien qu'on fait, c'est de 10 ou racontez-moi tout ça qui est dans le cœur. Et les livres, l'angélis, et combien coupe fait cette heure du soir. Et les livres, l'angélis, et combien coupe fait cette heure du soir. Mon chier, ça va dire là, moi pour correct, pour moi fais affaire. Si vous besoin de faire affaire, allemande ton temps, moi allemande c'est. Adelina, moi remè ou en pile, moi remè ou chéri pour nous arrêter. Adelina, moi remè ou en pile, moi remè ou chéri pour nous arrêter. Adelina, moi remè ou en pile, moi remè ou chéri pour nous arrêter. Adelina, moi remè ou en pile, moi remè ou chéri pour nous arrêter. Adelina, moi remè ou an pil, moi mon chéri, pou nou sa nan fè. Adelina.